Je crois que ça fait longtemps qu'on a oublié. Comment ça fait d'avoir la queue entre deux prés? Comment ça fait quand on a les couilles qui se sont logées dans le barbelé? Comment ça fait? Comment ça fait? Surtout ne pas les tirer, sinon ça va les déchirer. Je crois que ça fait longtemps qu'on a oublié. Comment ça fait d'avoir deux couilles entre deux prés? Ah, comment ça fait quand la queue s'est logée dans le barbelé? Quand le prépu y est bloqué. Oh, oh, oh, oh, oh, faut pas tirer.